Je ne sais pas par où commencer. Ce pays, riche de sa culture et de sa diversité, cache un côté sombre. Ici, contrairement à d'autres, ce côté obscur est souvent sous nos yeux, impossible à ignorer. La violence, les cartels, la corruption, tout cela fait partie du quotidien de millions de personnes. Mais je ne vais pas vous imposer le chemin. Vous choisirez par où commencer cette enquête pour découvrir le Mexique que l'on ne montre pas.